c'est assez les tacma et mes mots. Je retranscris la démo des mots démunis. Arrivé trop tôt car on était plein au départ. Mais combien à l'arrivée, combien de fois on s'est perdu dans le noir, plus moyen d'avancer. Combien de fois la roue a tourné. Combien de fois on a fait des conneries. À se niquer la santé, à se casser la voix, à se casser la plume. On finit par se briser les chines à force de porter des enclumes. Car les vies sont trop rudes, nous nardons du papier. T'étonnes plus si on n'arrive plus à s'en passer. Qu'on n'arrive plus à rire autrement qu'en chantant. Alors moi si je débarque c'est rapidement, mais sûrement pour vous dire que je lâche de cesse tailler pour Full Web TV. Et que c'est des coups de poing que je vais replacer sur les i. Je vais entailler le beat sur une belle boucle grasse. J'en vois valser les coups de pute et les coups de crasse. Yeah, j'en vois valser une boucle de beatmaker Sean H. Da Cruz. On est reparti et sur la boucle je me contredis. Je rebondis, j'applaudis les mesquins qui nous trahissent. Les faux contre les vrais, les frères contre les sœurs. Et si ça pète pour un rien, c'est pas de la faute au professeur. On a plus de cœur, on fait les bêtes avec nos belles. Mais sans remords depuis que Paris Hilton est devenu leur modèle. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On apprend que ce qui gêne, ce sentiment complexe. Faut que je retourne ma veste, côté amertume. De la nuit à l'aube, du matin jusqu'au crépuscule. Rien que ça gesticule dans nos sépultures. Enterré vivant, animé d'une rage plus pure. Faut que je te rassure, je comprends plus rien. Pour un coup de rein, j'ai des envies de coup de surin. Il faut que je fasse gaffe et que je remonte la côte. J'ai plus la tasse, mais je m'en fous d'avoir la cote.